Hey, I can't find nothing on the radio. Restez chez vous. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? Je crois que j'ai remis la radio. La mécanique des ondes. Confiné. Bienvenue dans la mécanique confinée, c'est la mécanique des ondes, mais à la maison. En attendant de pouvoir poursuivre l'émission habituelle, je vous propose quelques petits podcasts pour parler de cette expérience inédite pour beaucoup de personnes de la radio, à savoir faire leurs émissions en direct depuis chez eux, du radio-travail, des initiatives, parfois peut-être des conseils aussi pour mieux vivre ce confinement. Voilà de quoi il sera question dans la mécanique confinée. Et pour ce premier hors-série de la Méca, nous allons retrouver une voix déjà venue dans l'émission qui envoie la musique tous les soirs sur Europe 1, Émilie Mazoyer. Émilie, bonjour. Salut, Eddy. En direct de sa cuisine, hein, si j'ai bien compris ce qu'on disait juste avant. Mais oui, tu sais que... En ce moment, avec cette histoire de confinement, c'est un peu compliqué de trouver des endroits silencieux dans la maison, parce qu'évidemment, voilà, il y a des enfants, il y a tout ça, donc on compose. Et là, c'était soit la cuisine, soit la chambre. Je me suis dit qu'on n'était pas encore assez intime pour la chambre, donc me voici dans ma cuisine avec toi. Eh bien, écoutez, je me retiendrai d'aller me servir dans le frigo. Je sais que je suis gourmand, mais quand même, j'ai mes limites. Je sais me retenir. Bon, blague à part, Émilie, tout d'abord, comment ça va? Alors, ça va bien. Merci beaucoup, Eddy. Moi, j'ai de la chance. Mon compagnon, ma fille et moi, on va très bien. On n'est pas malade. Mes parents, eux, sont confinés à Moréa, en Polynésie. C'est là qu'ils habitent. Et même chose, ça va bien pour eux. J'ai de la famille dans le sud qui va bien aussi. Donc, je croise les doigts, mais on a très, très vite compris que le confinement, c'était pas une blague. Donc, on l'a bien respecté. Et pour le moment, on a une chance inouïe. Voilà, personne n'est malade. Alors, justement, le confinement, ça a été annoncé le 16 mars dernier. Alors, est-ce que ce jour-là, à ce moment-là, au moment de l'annonce, est-ce que vous saviez que vous alliez vous retrouver à la maison? Bon, ça c'est sûr, mais à la maison avec vos disques et vos micros et votre micro. Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, la force de la radio pour laquelle je travaille, à savoir Europe 1, ça a été d'anticiper. Puisque si mes souvenirs sont bons, le confinement était effectif un mardi à midi, n'est-ce pas? C'est ça. C'est ça. Et en fait, nous, dès le samedi, donc 3 jours avant, j'ai un technicien de la radio qui est venu chez moi avec un masque, avec des gants, m'apporter tout le matériel pour faire mon émission depuis chez moi dès le lundi soir, donc la veille du début officiel du confinement. Et c'est ce qui fait qu'Europe 1, en fait, dès le début du confinement, a pu maintenir toutes ses émissions en direct. Et toutes ces émissions, même avec, tu vois, des invités, etc., c'est parce qu'en fait, on a anticipé. Donc, 8 jours avant le confinement, la direction technique nous a envoyé un mail en nous disant « On pense faire ça, qu'en dites-vous? Est-ce que vous vous sentez de faire de la radio depuis chez vous ?» On a tous répondu oui, tous les animateurs, même Mathieu Béliard à la matinale. Oui, voilà. Qui fait ça dans son garage, oui. Oui, dans son garage. Non, mais c'est si drôle. Il publie quelques photos, c'est formidable. Et donc, voilà. Donc, du coup, la radio a eu une semaine pour tout organiser, nous livrer à chacun du matériel. En fait, en gros, il suffit d'avoir une box internet avec un bon débit. Et si on a ça, on peut parfaitement faire de l'antenne depuis chez nous. Donc, c'est vrai que par rapport à d'autres antennes, je prends l'exemple de France Inter, puisque c'est là que mon compagnon travaille. Et France Inter, eux, ils n'ont pas fait comme ça. Ils ont arrêté des émissions au début du confinement. Ils ont passé beaucoup de best-of. Ils ont tout misé sur les tranches d'infos. Et ça n'est que, tu vois, en 3e semaine de confinement que finalement, ils commencent à remettre un petit peu de direct avec des gens qui peuvent faire de la radio depuis chez eux, qui sont équipés. Europe 1 a fait différemment, ils ont pris de l'avance, et moi c'est formidable, parce que de toute façon, je ne me voyais pas, étant maman, aller prendre des risques et recevoir des gens en plateau à la radio comme si de rien n'était, alors que l'école de ma fille était fermée. Oui. Il y a un moment, il faut qu'on joue tous le jeu, quoi. Mais alors, justement, en parlant des invités, alors justement, musique que tu animes tous les soirs, donc 20h, 22h, hein, en site horaire. Du coup, tu reçois des invités chaque soir. Mais alors, du coup, forcément, là, c'est un peu chamboulé aussi au niveau de l'organisation de l'émission, je pense. Oui. Alors, en principe, ce qu'on faisait dans musique avant le confinement, c'était que sur les 2 heures d'émission, on avait une demi-heure qui était consacrée à un invité qui venait en plateau avec moi, on discutait, on écoutait de la musique et tout. Là, évidemment, c'est différent. J'ai plus un invité. En tout, j'ai 4 artistes qui viennent chaque soir dans l'émission. À distance. De manière virtuelle, bien sûr. Non, ils viennent pas tous dans mon salon. On va pas saboter le confinement comme ça. Ça peut être un concept pour la suite, une fois que c'est fini, on sait pas. Hein. C'est ça, voilà. Mais là, pour le moment, tout ça se passe soit par liaison, soit par téléphone. En fait, il existe, tu peux télécharger sur les téléphones portables, sur les smartphones, une application qui s'appelle Report It et qui te donne une qualité sonore à peu près du niveau, tu vois, d'un duplex. Mmh. Donc, c'est plutôt très bon. Là encore, il faut du wifi, mais ça fonctionne. Donc, les invités qui viennent en direct par téléphone sont donc soit au téléphone, soit sur cette application Report It, et ils passent en direct et on discute. Alors là, on est plus sur une demi-heure parce que pour le confort d'écoute des auditeurs, il faut que ce soit plus court. Donc, on est sur 5-10 minutes max. Et puis ensuite, j'ai beaucoup d'artistes aussi qui enregistrent chez eux des messages, des chansons. Il y a même un artiste formidable qui s'appelle Blik Bassi qui a enregistré un conte. Il a lu un conte et il m'envoie ça sur mon email. Et moi, ensuite, je le diffuse en direct. Et donc, voilà, ça fait que tous les soirs, on a 4 artistes différents qui viennent, au moins un en direct au téléphone et d'autres comme ça par petites pastilles d'une ou deux minutes avec du coup un bon son puisque c'est enregistré chez eux dans de bonnes conditions et envoyé par email. Donc, le son n'est pas dégradé. Et je suis très, très touchée par la générosité des artistes. Tu vois, hier soir, j'étais avec M, Mathieu Chedid. Il nous a offert 3 titres acoustiques, plus voilà un petit moment comme ça en direct au téléphone. J'ai eu Jean-Louis Aubert, j'ai eu Benjamin Biolay, Clara Luciani. Dans les internationaux, j'ai eu Nada Surf aussi. Tous les musiciens sont très contents de pouvoir envoyer des messages à leur public. Et tous, quasiment sans exception, tous me parlent du lien. Le lien qu'ils souhaitent garder avec leur public. Parce que là, on est au printemps et c'est une grosse, grosse saison avec l'été et les festivals. Oui, une grosse, grosse saison de concerts. Évidemment, tout est annulé. Bah, ça a commencé déjà avec le printemps de Bourges. Ouais, l'annulation du printemps de Bourges. Non, mais c'est un cataclysme, ça, pour le monde de la musique. Alors, on pense aux artistes, mais faut aussi penser à tous les intermittents, tous les mecs et les nanas qui font les lumières, qui montent les scènes, tous ces gens-là qui travaillent pas, alors que le printemps, c'est vraiment le moment où ils travaillent énormément. Et puis, en France, c'est un petit peu compliqué, mais je vais essayer de te simplifier ça. Pour être intermittent du spectacle, et donc toucher le chômage du spectacle quand tu ne travailles pas, il faut travailler un certain nombre d'heures par an. C'est 507 heures. Tu dois travailler 507 heures dans le milieu du spectacle pour gagner ta place au chômage du spectacle. Et le problème, c'est que ces 507 heures, pour beaucoup, beaucoup d'artistes, elles sont faites au printemps et en été. Donc, ne pas travailler au printemps, pour les chanteurs, bien sûr, c'est un problème, mais aussi pour les éclairagistes, les mecs du son, les mecs qui conduisent les camions de tournée. Tout ça, c'est vraiment... voilà, le monde de la musique est en train de payer très cher ce confinement, ouais. Et on croise les doigts, on espère que la musique va se relever une fois que ce sera terminé. En espérant que ça se termine assez rapidement, en tout cas. Bah, tu sais, il y a un hashtag qui tourne pas mal dans les milieux de la musique. Alors, il y a évidemment « Restez chez vous », tout le monde le dit, tout le monde le partage sur les réseaux sociaux. Mais nous, on en a un aussi, c'est le hashtag « Sauvons l'été ». Sauvons l'été, parce que plus on sera sérieux en ce printemps et plus on restera chez nous et on respectera ce confinement, moins le virus va se propager, plus vite il va disparaître et on pourra sauver l'été. Donc c'est vrai que c'est pas du tout drôle d'être enfermé chez soi au mois d'avril, je suis hyper d'accord avec ça, mais pensons au mois de juin, pensons au mois de juillet et voilà, je me dis que chaque heure passée là en avril à respecter le confinement, ça peut sauver l'été, donc moi j'y crois. Voilà. Et la musique nous sauvera aussi, quoi qu'il arrive. Et pour parler d'un autre sujet, enfin pour rester dans la radio, alors du coup, tu fais de la radio à la maison, comment tu le vis? Quels sont les du point de vue positif et négatif? Écoute, c'est très étrange. Parce que de toute façon, la radio, c'est un média bizarre, parce que tu parles à plein de gens que tu ne vois pas. Donc que je leur parle depuis un studio ou depuis mon salon, c'est tout aussi bizarre en réalité. Et pourtant, je ne ressens pas les choses de la même manière. Quand je suis en studio, je sais pas comment te dire, c'est comme tu as, si... Tu as l'ambiance. Oui, il y a une ambiance de travail, il y a une ambiance de radio, et puis c'est plus facile, entre guillemets, parce qu'en face de moi, j'ai plusieurs ordinateurs quand je suis en studio, je vois les chansons qui défilent, je vois mon réalisateur, Loïc, à qui je peux faire des signes. Là, on ne se voit pas avec Loïc, donc ça, c'est une prouesse plutôt de sa part que de la mienne, d'ailleurs, puisque en fait, rien qu'en écoutant ma voix, Loïc arrive à deviner ce que je vais dire... À quel moment il doit lancer un disque ? C'est pas moi hein, qui m'occupe de la musique, c'est Loïc qui fait ça. Et donc c'est une espèce de relation à distance. Nos cerveaux sont connectés. Je peux pas te dire autrement. Alors on travaille ensemble depuis 4 ans. On a de la chance de bien se connaître. Et donc pour le moment j'ai pas eu de raté. Donc je suis là-dessus, j'avais un peu peur de ça et j'avais tort d'avoir peur. On a une complicité qui est suffisante pour pouvoir travailler ensemble. Il ne voit pas mes gestes, mais il les entend. Je ne peux pas te dire autrement, c'est très étrange. Oui, une alchimie quoi, qui s'est faite. Oui, c'est ça. Et en ce qui concerne les invités, quand ils viennent en studio, il y a un côté un peu professionnel. C'est vrai qu'on se, par exemple, je les vouvoie. Et je leur pose des questions sur leur travail, etc. Là, de les avoir au téléphone, Loïc, justement, mon réalisateur, me faisait remarquer. Il m'a dit « Mais tu les tutoies ?» Et je dis « Ouais, écoute, je sais, mais ça me ferait trop bizarre de les vouvoyer alors qu'ils sont en pyjama chez eux. Je suis en demi-pyjama chez moi. » Et on se connaît et on est trop contents de se parler. Et moi, à chaque fois que j'ai un artiste au téléphone, que ce soit Christine and the Queens, que ce soit Jean-Louis Aubert, quand j'entends qu'ils vont bien, et ils me tutoient et je les tutoie en retour, quoi. Il y a peut-être moins de show, il y a peut-être moins de recul que quand on est en studio. C'est peut-être plus immédiat, plus chaleureux, plus naturel. Ouais, voilà, le confinement, c'est à ça que ça me fait penser quand tu en parlais tout à l'heure. Justement, ça, il y a une proximité plus forte. Moi, oui. C'est comme ça que je ressens. Ouais. Une proximité, c'est vrai. Ça marche avec les artistes et ça marche aussi avec les auditeurs. Alors, forcément, ils sont plus nombreux puisqu'il y a plus de gens qui sont chez eux. Je sens, par exemple, dans les retours des réseaux sociaux, que j'ai des nouveaux auditeurs. Des gens qui me disent « Ah bah tiens, je découvre l'émission là depuis que je suis confinée, c'est super sympa, merci. » Donc je vois qu'il y a des nouveaux et je vois que pas mal de gens sont plus enclins à envoyer des petits messages pour commenter ce qui se passe. On a plus de temps en fait, surtout entre 20h et 22h. Tous les gens qui télétravaillent, entre 20h et 22h, a priori, ils ont terminé. Les gens qui s'occupent de leurs enfants, pareil, entre 20h et 22h, les petits soit sont couchés, soit regardent un truc, un dessin animé ou quoi. Donc c'est un moment où les gens se posent. Beaucoup, évidemment, vont vers la télé, notamment à 20h, le journal de 20h. Mais il y en a quelques-uns qui viennent écouter la radio et qui sont peut-être plus ouverts. Ouais, qui ont envie de penser à autre chose aussi, je pense. Oui, ils sont contents de ça. Alors moi, je fais pas comme si le confinement n'existait pas. Quand j'ai des auditeurs au téléphone ou des artistes, je leur pose deux questions sur le sujet. Mais après, c'est vrai que... tu sais, j'ai reçu un message il y a quelques temps, c'était avant le confinement. Un auditeur qui me disait « Ce que j'aime bien chez toi, Émilie, c'est que tu parles de la musique comme si c'était important. » Et au début, mais c'est important. Voilà, je lis ce message et je souris et je me dis « Mais ouais, il a raison. » En fait, pour moi, la musique, c'est important. Quand j'apprends que un tel est en studio et va sortir un album, ben pour moi, c'est important. Et donc, la musique, elle était importante avant, elle est importante maintenant. Il y a évidemment d'autres choses qui sont importantes, parler des soignants, parler des masques, parler de tout ce que tu veux. Bien sûr, c'est important, mais la musique est toujours importante. Et en plus, en ce moment, elle sert de béquille ou de doudou ou de réconfort à pas mal de gens. Donc je suis contente. Tu sais que j'ai eu peur. Au début, je me suis dit, mince, Europe 1, ils vont m'enlever mon émission. Ils vont mettre de l'info, c'est obligé. Parce que tu sais, au début, on savait pas trop. Enfin, il y avait des annonces super angoissantes et tout. Et je me suis dit, mince, je vais sauter. Et en fait, ils m'ont dit, mais hors de question. Bien sûr que non, tu sautes pas. Les gens, ils ont besoin de se divertir. Et puis, ils ont besoin d'un espace convivial. Moi, c'est vrai que je te parlais des artistes qui viennent à l'antenne, mais les auditeurs viennent à l'antenne aussi. J'en ai au moins 4 tous les soirs. Oui, les auditeurs, c'est aussi la force de ton émission. Mais oui, carrément. Et donc, ça rend tout ça très convivial, si tu veux. Moi, je fais pas une conférence sur la musique qui dure 2 heures où je te donne mon avis et c'est pas du tout ça, quoi. C'est un truc qu'on partage. Là, en plus, en ce moment, vraiment, on se fait plaisir. On balance plein d'énormes tubes. Il y a quelques découvertes, mais voilà, on est dans le réconfort. Si tu veux, tout comme t'es content de voir sur France 2 qui repasse Papy fait de la résistance parce qu'en ce moment t'as besoin de réconfort. Moi pareil, hein, on se fait plaisir, hein, on se passe des vieux Led Zeppelin, on écoute Souchon, on écoute les White Stripes, enfin, dans tous les styles, on écoute Kool and the Gang, tu vois, des valeurs refuge de la musique, quoi. On est trop bien. On écoute de la country aussi, je me suis mis à leur passer de la country, ils adorent la country, les gens, c'est génial. Non, mais c'est bien, faut surprendre aussi un petit peu. Oui. Faut découvrir. Ouais, ouais. Mais voilà, des choses très réconfortantes. J'évite de passer vraiment de la musique que j'appelle difficile. Tu vois, choses très déprimantes, tout ça, j'ai pas envie. Et je suis mon instinct. Si moi j'en ai pas envie, je me dis que les autres n'ont pas forcément envie non plus. Puis moi, ça dure que 2 heures. Hein. Les gens peuvent écouter de la musique déprimante pendant 22 heures de la journée, mais laissez-moi 2 heures pour passer des trucs souriants, quoi. C'est ça. Mais alors du coup, vu que tu animes chez toi, par rapport au studio, est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque ? Loïc. On a trouvé vraiment un fonctionnement, mais mon réalisateur, c'est sûr que quand je le vois, je suis rassurée. Bon, là, je suis toute seule. Hein. Quand je regarde en face de moi, y a un miroir et il y a moi. Donc, voilà. Mais je me sens pas seule au monde, vraiment. Et puis, je le respecte énormément parce que lui, il va à la radio, tu vois. À Europe 1, il y a plus de 80% du personnel qui est confiné. Mais on a encore des gens qui vont tous les jours au studio pour faire tourner l'antenne. Et Loïc en fait partie. Et donc voilà, il me manque et j'ai hâte de le revoir en bonne santé. Ça c'est sûr. Après, ce qui me manque, c'est tout mon petit confort, tu sais, d'ordinateur, d'internet ultra rapide. Chez moi, c'est un peu moins rapide, forcément. Je n'ai pas une connexion professionnelle. Et puis après, il y a la tranquillité totale quand je suis en studio. Je sais que personne va rentrer. Quand je suis chez moi, à tout moment, il y a ma fille qui peut débarquer en disant « Maman, j'ai envie de faire bisous !» Voilà. C'est à ça que je pensais, justement. Toi. Oui, alors ça coûte, c'est arrivé une fois pour le moment. Bon, c'était assez rigolo. C'était à la fin d'une chanson et elle est arrivée, elle dit « Maman, je peux te dire quelque chose ?» Alors, j'ai joué avec, j'ai dit « Ma chérie, je suis en train de parler à la radio, est-ce que tu veux dire bonsoir aux amis qui nous écoutent ?» Et donc, elle a dit « Bonjour » et puis après, son père est venu la chercher. Elle avait échappé à la surveillance de son papa. Mais voilà, non, il n'y a rien de… Si, puis alors, j'ai eu un souci aussi. C'était la première semaine de confinement. Il y a eu une coupure de courant dans mon immeuble. Mais tu sais, une micro-coupure, ça a duré, je sais pas, peut-être 20 secondes. Mais sauf que la coupure de courant, elle éteint ta box. Et donc, le temps que la box se relance, il y a eu à peu près une minute où j'ai pas pu être à l'antenne. Et j'ai eu de la chance à ce moment-là. En fait, il y avait des auditeurs à l'antenne et ils ont meublé. Loïc leur parlait en leur expliquant ce qui se passait et eux disaient à l'antenne ce qui se passait. Et donc, voilà, ça a donné un moment étrange, qui ne serait pas arrivé si j'avais été en studio, mais qui nous a fait rigoler au final. C'est génial. Ça aussi, c'est le charme de la radio, justement. Oui, oui. Alors qu'en télé, ça coupe. C'est plus compliqué. Voilà. Là, non, ils étaient là. Et donc, il y a eu un petit silence. Et puis ensuite, alors sans que ça passe à l'antenne, mais Loïc peut leur parler dans le téléphone. Et donc, leur a dit, on a perdu Émilie, elle va revenir, expliquer. Et ils ont expliqué. Et c'était trop bien. C'était trop bien. Alors du coup, pour sortir un petit peu du sujet de la radio, Émilie, à part avec la radio et ton émission, le reste du temps, comment tu t'occupes ? Est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui nous écoutent pour passer le temps chez eux ? Oh, un conseil pour passer le temps. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu la bonne idée de faire des enfants avant, parce que croyez-moi, ça occupe du temps. Il n'y a pas de débat là-dessus. Les enfants, c'est du matin au soir, c'est jouer, c'est lire, etc. Donc pour ceux qui n'ont pas d'enfants et qui se demandent quoi faire pendant la journée, j'ai trouvé très satisfaisant de faire un grand ménage. Le ménage de printemps, ça tombe bien. Ouais. Je sais pas, il y a un côté, t'es presque fier après. Oui. Hein, t'es fière de toi, t'as fait un truc, voilà, donc un grand ménage, ça permet de retrouver des bouquins qui étaient mal rangés, des CD qui étaient mal rangés, donc voilà, je sais que c'est pas très glamour comme conseil, mais franchement, voilà, moi ça m'a apporté pas mal de satisfaction, j'étais très contente de moi après. Et on a le temps, surtout. Et on a le temps, et ensuite, si on aime la musique, évidemment, prendre le temps d'écouter des albums. Souvent, les artistes me disent « Ah, c'est dommage, aujourd'hui, les gens, avec les playlists et les sites de streaming, ils n'écoutent pas les albums en entier. » Donc, peut-être s'il y a un artiste dont vous adorez deux chansons, écoutez l'album en entier, vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne surprise. Et puis sinon, il y a quand même les séries. On a de la chance aujourd'hui d'avoir un paquet de bonnes séries à disposition. Et moi, par exemple, si j'en ai une à recommander, elle est toute nouvelle. Elle est sortie il y a 2 semaines. Elle s'appelle Validée. Et c'est une série produite par Canal+, réalisée par Franck Gastambide. Qui était dans les Kaira, non? Voilà, c'est ça les Kaira. Et donc Validée, c'est 10 épisodes d'une demi-heure, donc c'est pas très long. Et ça raconte l'univers du rap en France. Les maisons de disques, les producteurs, les studios, les rivalités entre rappeurs. C'est très très bien. C'est bien joué, il y a de la très bonne musique. Il y a beaucoup de rappeurs célèbres qui ont participé à la série. Il y a notamment le Marseillais, Soprano, il y a La Crime, il y a même Cool Chain d'NTM qui est dans la série. C'est 3 petits jeunes qui jouent les rôles principaux que je connaissais pas, qui sont super. C'est une très très bonne série. Et on apprend des choses sur l'univers du rap si on sait pas trop comment se négocient les contrats, les clips, tout ça. Ça, c'est vraiment bien fait. J'ai beaucoup aimé, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette série. Et voilà. Et en fait, quand on a le temps, effectivement, 10 épisodes de 30 minutes, bon, bah, tu te les fais en 2 jours, quoi. C'est l'avantage. Mais voilà. Et puis, je crois qu'il faut s'écouter aussi. Puisqu'on a le temps, pas avoir honte de se dire, bah tiens, il est 11h, je vais faire une sieste. Tu sais, les gens qui se font des programmes comme ça, qui disent, oui, alors pendant le confinement, de 8 à 9, je fais du yoga, de 9 à 10, j'apprends le chinois, de 10 à 11, on s'écoute un peu. On s'écoute, on fait ce qu'on a envie de faire, on écoute un peu son corps. Je pense qu'on est très nombreux à pas dormir assez. Donc bah là, si c'est le moment de rattraper des heures de sommeil, pourquoi pas. Si c'est le moment d'apprendre à rien faire, pourquoi pas. Je me mets pas, moi, de pression en me disant il faut absolument rendre ce confinement productif. Moi, la seule pression que je me mets, c'est respecter ce confinement, sortir le moins possible. Moi, je sors une fois tous les 3 jours à peu près. Et c'est tout. Et ma fille sort pas. Et voilà, on respecte vraiment ça. Et pour moi, si on arrive déjà à faire ça, c'est gagné. Il n'y a pas à apprendre le chinois ou à se faire des abdos pendant cette période-là. Chacun fait comme il sent. Ouais, ce sera donc le mot de la fin. Et on insiste encore sur ce point. Restez chez vous. Oui, s'il vous plaît, restez chez vous. Sauvons l'été. Ah, et tu es d'accord, hein. Mais oui, tout à fait. Exactement. On sauvera la musique. Merci. Merci à toi, Émilie. Et donc, on te retrouve donc en direct de chez toi, chez Émilie. Ça pourrait faire un nom d'émission, tiens, à méditer, sur Europe 1 de 20h à 22h. Merci beaucoup, Eddy. Salut.